Oh, oh, oh. sambe tomba e me padi mabenga be sambe tomba e ayo asume ti bo yo mama gele wamse muna bobe asume ti bo na yo mama gele wamse muna pamo na bai mutu e mutu ma yanga mbai amutu ma na bode ne I'm alive. ça fait mal, et ça fait mal, et ça fait mal, et oh. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, et coq, coq, coq, ça fait mal, et ça fait mal, et ça fait mal.